faisait le mur et les clochards cherchaient un toit. Faudrait que je coupe la parole à muet pour rester sans voix. La mort me fait pas peur car la vie c'est l'enfer. On veut monter au ciel mais on finira sous terre. Je m'en fume les poumons, la rue c'est une poubelle. Et si tu vois du vomi c'est que j'ai forcé sur la bouteille. Beaucoup perdent la face pour une liasse de cash. Incompris comme un végétarien avec un tatou mort aux vaches. Sur mon sang faut miser, tes oreilles je vais paralyser. Et si je viens t'enculer c'est juste pour t'analyser. La rue est sale, tu peux voir du sperme sur le sol. Pour des gens c'est rien, pour moi c'est comme si on tuait un boss. T'as des Air Jordan aux pieds, je te plais, je vais te sauter. Me dis pas arrête s'te plaît, je t'ai déjà mis la main au panier. Ambiance crade, mets-toi sur moi et je te prends à quatre pattes. On est tous au fil, on pense qu'à mettre nos billes dans des chattes. Y'a Pinocchio qui devrait faire sa langue de bois. La vie est dure, comme trouver du taf au Pôle emploi. J'aime pas rapper, pour gaulerie, je suis à fleur de peau, j'ai pas nagé. Et tous mes projets tombent à l'eau. J'aime pas les flics, chacun a son opinion. Tu veux me cuisiner, je te dis mêle-toi tes oignons. L'amour rend ta bug, dis jamais on va s'aimer. Certains ont fait les frais, big up à Gilbert Montagnier. Elle a un air de Colombo, je te parle de ma pouffe. Quand je lui gigue sur la gueule, son œil part en couille, je suis un vampire. Je dors le jour, sors la nuit, man. Et si un jour j'ai mal, tu me verras jamais dire aïe. En punchline, je fous tous les MC au chômage. Une femme cougar voudrait que je lui dise que l'amour n'a pas d'âge. Sur des classiques, je fais des classiques. Ma plume, une baguette, tout ce que j'écris est magique. Petit ma maîtresse crie si je levais pas le doigt. Grand ma maîtresse crie si je lui cale un doigt. Faire un quoi c'est une fille de joie, c'est ton but, hein. Ne le reconnais pas, on donne pas un nom à un fils de pute, hein. Hendek à toi si tu crois que j'ai pas clashé. Appelle-moi Thierry Henry, je détrône l'arsenal du rap français.